Nous allons continuer dans l'étude de la vie de David, le berger roi. David qui continue dans les chapitres 20 et 21 que nous allons aborder aujourd'hui, qui continue de vivre les terribles conséquences du péché pardonné. Ça, c'est une mise en garde pour nous, de nous rappeler que si nos péchés sont pardonnés, nous avons quand même à vivre les conséquences tragiques de nos péchés. Cela devrait être une autre incitation à nous tenir loin du péché, à prier pour la protection du Seigneur, pour nous garder de la tentation et du péché. Parce que c'est vrai, nous avons l'assurance, si nous sommes à lui, si nous lui avons donné notre cœur, qu'il nous pardonne nos péchés. Nous serons avec lui pour l'éternité. Mais en attendant, nous avons à faire face aux conséquences de nos péchés. Et là, on voit dans la vie de David que ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. C'est long, c'est difficile. On a l'impression que ça n'arrête jamais. Là, nous avons vu, après la mort de son fils rebelle Absalom, David est en route pour revenir sur le trône à Jérusalem avec des hommes qui lui sont fidèles. On a vu aussi les prémices d'un conflit entre Israël et Juda. Les 10 tribus d'Israël du nord de la terre promise et la tribu de Juda. Alors vous me dites 10 plus 1, ça fait que 11 et on parle toujours des 12 tribus. C'est vrai qu'on parle souvent, la tribu de Lévi, des prêtres, n'était pas comptée comme faisant partie des tribus qui combattaient. Et là on voit qu'il y a une dispute parce que les gens d'Israël, donc des tribus du Nord, se disent « Mais pourquoi vous monopolisez le roi, vous le faites revenir à Jérusalem, vous l'avez aidé ? Nous, on est 10, on est 10 fois plus que vous, il nous appartient 10 fois plus. » Et on voit qu'il y a des semences de discorde entre les deux groupes. Et là, on arrive au chapitre 20 qu'on va lire ensemble, en partie, et puis on va commenter. Remettons au Seigneur cette étude. Seigneur, merci pour ta parole. Encore une fois, nous savons que si tu l'as préservée, si tu l'as annoncée par les prophètes, par ton Esprit Saint, à ces hommes qui l'ont notée, qui l'ont enregistrée, tu l'as préservée jusqu'à nous, Seigneur, elle est remarquablement préservé. Nous savons qu'à 99,5% à peu près, il n'y a aucun doute que c'est la parole que tu as transmise à ces hommes. Seigneur, nous savons que tu veux que nous la connaissions et encore plus, tu veux que nous l'appliquions dans nos vies. Aide-nous à la comprendre, que ton esprit qui l'a inspirée puisse nous la révéler ce matin. Qu'elle nous serve de leçon, elle a été écrite pour notre instruction. Et Seigneur, nous voulons faire le vide des soucis, des distractions dans nos esprits pour recevoir ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, amen. Verset 21 du chapitre 20, page 334 dans la Bible à la colombe. Il se trouvait là un vaurien nommé Sheba, fils de Bikri, benjaminite. Il sonna du cor et dit « Point de part pour nous avec David, pas d'héritage pour nous avec le fils d'Isaï. Chacun a ses tentes, Israël. » Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David pour se rallier à Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Juda s'attachèrent à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla pas vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi pour dans 3 jours les hommes de Juda, et toi sois ici présent. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il se mit en retard pour le rendez-vous que le roi lui avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, fils de Bikri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton seigneur et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et que nous le perdions de vue. » Les hommes de Joab sortirent à sa suite, ainsi que les Kérétiens et les Pélétiens et tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. David n'a pas fini de se remettre de la rébellion de son fils Absalom, de constater que les hommes d'Israël et les hommes de Juda se disputent un peu son retour, qu'il apprend qu'il y a une nouvelle rébellion qui se met en route à l'instigation d'un homme de peu de valeur, un vaurien nommé Sheba, fils de Bikri, de la tribu de Benjamin, qui était aussi la tribu du roi Saül, entre parenthèses. Et cet homme remet en cause la validité ou la légitimité, c'est le terme que je cherche, la légitimité du roi David. C'est un rebelle et il renie la souveraineté du roi. Il dit « Point de part pour nous avec David ». Pas d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun a ses tentes, Israël. Il leur dit, David est peut-être le roi là-bas, mais pour nous, pour moi, il n'est pas le roi. Il n'a pas le droit de régner sur Israël. Et verset 2, on voit que tous les hommes d'Israël le suivent. On voit comment les hommes, les femmes change d'avis si facilement. Il y a 10 minutes, quelques temps, dans le texte, et juste avant, on les voit se disputer pour dire « On veut David, nous aussi, il n'y a pas de raison, on a autant le droit, on a même plus le droit que vous qui soit notre roi, on aurait dû venir l'aider, et vous, vous le gardez de votre côté. » Et là, il suffit que quelqu'un se pointe sur la scène avec un slogan « Point de part avec nous, avec David », pas d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Et d'un seul coup, comme un seul homme, tous ces hommes qui étaient prêts à se battre pour reconnaître qu'ils voulaient avoir part au retour de David sur le trône à Jérusalem, ils laissent tomber et ils se rallient aux rebelles. Ça nous rappelle dans le Nouveau Testament le changement qui s'est produit dans la foule qui acclamer le Seigneur à son arrivée à Jérusalem en disant « Hosanna au plus haut des cieux, gloire à celui qui vient au nom de Dieu ». Et la même foule, juste quelques heures plus tard, disait « Crucifiez-le, crucifiez-le ». C'est la raison pour laquelle il est tout à fait vain, il est tout à fait futile de chercher l'approbation des hommes. Les hommes qui vous porteront au pinacle un jour seront les mêmes qui vous trahiront le lendemain. Et bien plus important, c'est de rechercher à faire la volonté de Dieu, de chercher à plaire à Dieu et de laisser Dieu s'occuper de votre popularité. On vit dans une société où tout est basé sur la popularité. On voit que l'audimat baisse. Alors, l'homme à qui on donnait le privilège d'interviewer les présidents, les grands de ce monde, on le jette comme une vieille chaussette. Alors, je ne peux pas imiter PPDA, mais les guignols sont embêtés. Parce qu'il a dit quelque chose qui a peut-être déplu au prince. Et d'un seul coup, la popularité, les baisses d'audience font que il est beaucoup plus important, plutôt que de chercher à faire de l'audimat, de chercher à plaire à Dieu. Est-ce que vous en êtes convaincu? Nous sommes humains. L'approbation de Dieu, ses récompenses, elles sont souvent éloignées, ou on ne les voit pas tout de suite. Alors que si les gens vous applaudissent, vous donnent de l'argent, se courbent devant vous, ça vous le voyez tout de suite. Donc il y a cette attirance avec notre vieille nature à vouloir plaire aux hommes. Mais encore une fois, là, nous voyons combien c'est versatile, la popularité, combien c'est fragile et sujet à caution. Toutes les émissions qui cherchent à mettre la nouvelle star, je ne sais même plus les noms, la Starac, la Starac, si je pouvais gagner la Starac. Il faut qu'ils rappellent qu'un tel, en fait, a gagné à la Starac, parce qu'on a tous oublié, à part peut-être ceux qui viennent de Nice, et on a rabâché. Mais enfin, les hommes d'Israël s'éloignent de David et se rallient à Sheba. En tant que rebelle, il a utilisé trois principes. Il a d'abord renié la souveraineté du roi sur lui et sur ses hommes. Il a aussi dévalué l'identité du roi. Quand il dit on se moque de ce fils d'Isaïe. Isaïe, c'était pas un grand roi bien connu, c'était pas un grand homme respecté. Isaïe, c'était un fermier qui avait de nombreux fils, 8 fils, je crois, et qui, de dire que c'était le fils d'Isaïe, c'était pas de glorifier l'identité de David. Et Sheba profite de ça pour dire, c'est qu'un paysan, c'est qu'un bouseux. On n'a rien à faire de ce gars-là. Et puis, troisième principe, il se rebelle en forgeant sa propre direction. Il va faire son chemin et il demande aux autres de le suivre. Et ils le font. Et ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, David, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on se rebelle contre lui. On dit, oui, Jésus, c'est peut-être le Dieu des chrétiens, mais ce n'est pas mon Dieu. Non, Dieu règne sur toute la terre. Que vous soyez musulman, bouddhiste, chrétien, athée, il est Dieu. Il peut être votre Dieu, mais il est Dieu et il reste Dieu, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non. L'autre façon d'attaquer la foi en Jésus-Christ, d'attaquer notre roi, c'est de dire qu'en fait, il n'était pas vraiment le fils de Dieu. Que Dieu ne peut pas avoir de fils, ça voudrait dire que ce serait quelque chose d'horrible, il aurait des relations sexuelles avec une femme. Pour un Dieu, c'est pas possible, ça c'est le point de vue des musulmans. Les mormons disent qu'en fait c'était un ange comme le frère de Michel, de l'archange Michel. Les témoins de Jéhovah disent que c'était un des frères de Lucifer. Et donc c'est un signe lorsqu'un groupe est un groupe sectaire, c'est une secte. Le signe, c'est qu'ils vont dénigrer, ils vont renier la souveraineté, la divinité de Jésus-Christ. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Si vous entendez un groupe parler « nous sommes chrétiens », mais qui disent que « mais Jésus-Christ, c'est pas Dieu », alors vous pouvez leur dire « vous n'êtes pas chrétien, merci et à Dieu, bonne chance ». Et puis le rebelle, c'est celui qui décide de faire sa propre voie. Et encore une fois, la Bible nous dit que chacun faisait ce que bon lui semblait lorsque les hommes s'éloignaient de Dieu, avec les conséquences tragiques qui en résultaient. David rentre à Jérusalem. Les hommes de Juda, eux, soutiennent, continuent de soutenir, et ils le font rentrer à Jérusalem. Là, David met de côté les 10 concubines qui avaient été violées par son fils Absalom, au vu et au su de tous. Et il les condamne en quelque sorte à rester comme veuves, on dirait comme des vieilles filles, le reste de leur vie, en pourvoyant à leur entretien, à leurs besoins. Et là, on peut se demander si c'était vraiment la volonté de Dieu que David agisse ainsi. Ces femmes qu'il avait choisies pour être ses maîtresses officielles, la concubine, c'était une maîtresse qui était reconnue avec un statut spécial, qui ne pouvait pas aller avec d'autres hommes, mais qui ne participait pas à l'héritage, et leurs enfants ne participaient pas à l'héritage du roi. Et l'idée, c'était que le roi voulait avoir de nombreuses femmes, mais ne voulait pas que sa richesse se dissipe en un héritage entre 30 enfants. Donc il avait 2-3 femmes officielles. On verra que le roi Salomon en avait beaucoup plus, mais il était beaucoup plus riche aussi. Et ses concubines, en fait, étaient un peu lésées dans leur vie, mais il les avait laissées pour garder le palais. Elles se sont fait violer encore une fois par Absalom, et il les met à l'écart complètement, même s'il pourvoit à leur entretien. Encore une fois, David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, était la volonté de Dieu. Il demande à Amasa. Amasa, vous vous souvenez, c'était le général de son fils Absalom. Lorsqu'il avait pardonné Absalom, et il avait aussi pardonné Amasa. Et comme Joab, son général, avait tué son fils Absalom, David en avait éprouvé du ressentiment et il l'avait remplacé par Amasa. Là aussi, on voit comment les gens sont nommés, mis à la porte, renommés. Et là, Amasa qui allait lutter contre David est maintenant envoyé par David pour chercher des hommes dans la tribu de Juda pour aller à la suite de Sheba, pour essayer de mater la rébellion le plus tôt possible. On peut penser que Amasa a du mal à se faire suivre par les hommes de Juda qui avaient été envoyés plus tôt pour le combattre. Apparemment, ce n'était pas un grand guerrier. Et il n'est pas au rendez-vous que le roi lui a fixé. Donc David prend des mesures. Il demande à Abishai, qui était le frère de Joab, et il lui demande d'aller à la suite de Sheba, parce qu'il veut surtout pas qu'il arrive dans une ville forte où la rébellion va pouvoir s'ancrer. Donc David prend des mesures, et on arrive maintenant au verset 8. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab avait passé une ceinture sur les habits dont il était vêtu et dans laquelle il avait passé une épée attachée à ses reins dans un fourreau. Elle tomba comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne prit pas garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai se mirent à la poursuite de Sheba, fils de Bikri. Un homme d'entre les jeunes gens de Joab s'était arrêté près d'Amasa et disait « Qui est en faveur de Joab et qui est pour David ? Qu'il suive Joab !» Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route, et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta un vêtement sur lui lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand on l'eut retiré de la route, chacun suivait Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Vous êtes perdus ? C'est compliqué ? Tous ces noms, tous ces épisodes ? Comme je l'ai dit la semaine dernière, cette complexité devrait nous encourager, dans le sens qu'elle nous montre que c'est pas une fable, c'est des événements réels. C'est la complexité des nouvelles Si vous cherchez des nouvelles sur Internet maintenant, et que vous voulez avoir, vous voyez, il y a des tas de tenants et d'aboutissants, vous pouvez aller voir d'autres articles sur ce qui s'est passé un peu avant. La complexité est un signe d'authenticité. Donc, même si c'est des fois un peu dur à suivre, si on n'a pas pris le temps d'étudier, de s'imprégner un peu de ce qui se passe, ça doit nous rassurer que la Bible, encore une fois, n'est pas une fable, c'est un récit digne de foi. Dans les parties historiques, il y a d'autres styles que l'histoire. Il y a l'enseignement, il y a la poésie, Mais dans sa partie historique, dans tout ce qui est chronique et récit d'évangile, il y a toujours une précision qui nous donne la certitude que ce n'est pas des choses qui ont été inventées. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans le passage qu'on a lu ? Il y a Joab n'est plus le général, mais c'est toujours le frère de Abishai. Abishai que David a envoyé à la poursuite de Sheba, le rebelle, parce que Amasa, celui qui a remplacé Joab, n'est pas encore revenu. Et Joab, bien qu'il n'ait plus aucun titre officiel, participe à la bataille, participe à la poursuite avec son frère Abishai. Et il retrouve Amasa. Amasa et Joab va encore utiliser de... C'était un furieux guerrier, c'était un homme très rude, un peu sanguinaire, vraiment un homme de guerre, qui pouvait utiliser de ruses, mais qui... Alors là, il avait des raisons de ne pas vouloir que Amasa reste en vie, parce que Amasa lui avait pris son job. C'est un peu comme si Patrick Poivre d'Arvor allait voir sa remplaçante. Il n'a pas de désir de voir cet homme rester en vie, mais c'est surtout parce que, malgré sa violence, malgré ses ruses, on ne sait pas trop pourquoi, mais il fait preuve d'une fidélité incroyable envers David. Et on se souvient qu'il avait des moyens de pression sur David, parce qu'il était celui qui avait envoyé Uri, le mari de Bathsheba, à la demande de David pour se faire tuer devant la ville assiégée. Joab va tuer Amasa, et là on voit, c'est pas la première fois qu'il tue de sang-froid. Si vous vous souvenez, il a tué Abner, il a tué Absalom, et là il va tuer Amasa de sang-froid, à côté de toutes les autres personnes et soldats qu'il a pu tuer dans les combats. Et là il utilise la ruse, il est dit que son épée tombe. En fait, il s'assure que Amasa voit son épée tomber pour que Amasa n'ait pas trop peur de lui. Et en fait, on pense qu'il a gardé une petite épée sur son côté gauche qu'il va utiliser, mais il a trompé Amasa en lui faisant croire qu'il vient en paix. Et si Amasa connaissait un peu Joab, il saurait que c'est pas un grand sentimental. Et lorsqu'il lui pose « Est-ce que ça va bien, mon frère ?» il devrait savoir que Joab en a rien à faire et que c'est un mauvais signe. Alors là, il est expliqué, de la main droite, il lui saisit la barbe pour l'embrasser. Alors ça, c'est pour expliquer à la maman de Jenny, Jan, comment faire la bise ici. C'est vrai que pour les Américains qui n'ont pas l'habitude de faire la bise sur les deux côtés, en général, on part du mauvais côté. Là, Joab, il prend la barbe. Il faut avoir la barbe, bien sûr. Donc, et il tire sur la main droite pour aller lui faire sans doute la bise sur la joue gauche. Mais en fait, il dégaine son poignard et il lui donne un coup dans le ventre. Et les entrailles, l'intestin grêle, le foie commence à glisser avec du sang. On est heureux que ce soit pas aussi graphique, hein, mais quand on y pense, c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe après, c'est qu'il va prendre du temps. Apparemment, on peut vivre encore avec les entrailles sorties. Ça ne doit pas être très, très agréable. Mais il agonise. Et ça provoque un ralentissement des troupes qui vont au combat. Un peu comme sur l'autoroute, quand sur la route d'en face, il y a un accident. Et vous demandez pourquoi est-ce que le trafic semble bloqué sur votre voie, c'est parce que les gens se ralentissent pour... Ah, oh, tu as vu. Et là, le soldat qui remarque ça va finalement cacher, tirer à massa pour pas ralentir les troupes. Rappelez-vous, il y a une rébellion en route et il faut aller chercher cet homme. Verset 14. Joab a repris les choses en main. Il traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maka et de tous les Bérim. Ils se rassemblèrent et les suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maka et ils élevèrent contre la ville un retranchement qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier de la ville « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approchez jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme dit « Es-tu Joab ?» Il répondit, « C'est moi. » Elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Alors elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire que le consulte Abel, et tout se terminait ainsi. Moi, je suis en paix avec les fidèles d'Israël, mais toi, tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel ?» Joab répondit, « Loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. Il ne s'agit pas de cela. » Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikré, a levé la main contre le roi, contre David. Livrez-le lui seul et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, « Eh bien, sa tête te sera jetée par la muraille. » Encore une fois, c'est la Bible est graphique. La femme alla vers tout le peuple avec son habileté et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bikré, et la jetèrent à Joab. Shklank. Joab sonna du cor, on se dispersa loin de la ville, chacun dans ses tentes, alors Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël, Benaïa, fils de Jehoiada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens, Adoram dirigeait les corvées, Josaphat, fils d'Ahiloud, était archiviste, Sheva était secrétaire, Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs, et Ira de Yaïr était aussi prêtre pour David. Ils arrivent dans une ville tout au nord d'Israël. Et en fait, ce que redoutait le roi s'est passé. Le rebelle, Sheba, a trouvé refuge dans une ville, Abel-Meth-Maka. Et il faut que Joab fasse le siège de cette ville pour attraper cet homme. Et ça, c'est une technique traditionnelle à l'époque et bien après, même au Moyen-Âge, de villes fortifiées et d'assiéger la ville fortifiée. Assiéger, mener un siège, ça consistait à bloquer les entrées et les sorties de la ville, sachant qu'avec le temps, les gens à l'intérieur finiraient par ne plus avoir de quoi survivre. C'était aussi d'essayer d'attaquer, de briser les remparts, les murailles. Et lorsqu'on visite Israël, on voit des endroits où il y a eu ce genre de combat. Et c'est spectaculaire. Par exemple, à Masada, on voit que sur des côtés, il y a des collines qui ont été bâties par des troupes. Les Romains avaient assiégé la ville où se réfugiaient les Maccabées. Et ils avaient construit pendant des mois et des mois des remblais de pierres, de sable, de terre, pour pouvoir finalement, à la fin, marcher sur la colline jusqu'à la ville. Et c'est ce qu'ils se... Ils se préparent à faire, ils élèvent un retranchement qui atteignait le rempart et de là ils peuvent plus facilement casser les murs ou essayer avec des coups de bélier, de détruire des portes, de détruire des points faibles de la muraille. Et donc ça c'est en route. Et généralement lorsque les troupes qui ont assiégé, qui ont tellement peiné, qui ont tellement travaillé pour prendre le contrôle de la ville, lorsqu'elles entrent dans la ville, elles ne font pas de la dentelle. Tout le monde y a droit. Et il y a une femme, une seule femme, qui réalise que si les choses continuent de la sorte, ça va être la destruction de tous les gens de la ville, leur dit que, en fait, elle parle à Joab et elle leur dit je suis pour David, je ne suis pas contre David, je ne suis pas pour cet homme, ce n'est pas parce que cet homme est rentré ici que tout le monde le soutient. Pourquoi est-ce que tu détruirais la ville ? Et le roi, Joab lui dit, mais moi je cherche que ce gars, et si tu dommes sa tête, c'est bon, je repars. Alors là, cette femme va convaincre avec habileté tout son peuple. Sans doute elle leur explique ce que c'est qu'un siège, ce que ça veut dire, que pendant des mois ou des semaines, ils vont souffrir de jeûne, vont mourir de soif. Puis finalement, lorsque les soldats vont arriver à casser la muraille, ouvrir une porte, tout le monde va être massacré, les femmes, les enfants d'abord. Tous les hommes vont être mis à mort de façon sanguinaire. Et elle arrive à convaincre le syndic de la ville. Et on n'a pas les détails, mais elle a la tête qu'elle balance par-dessus la muraille, et ça met fin à ce combat, et ça met fin à la guerre. Et ce qui est remarquable, encore une fois, le statut de la femme, on l'a vu, la façon dont David traitait ses concubines, n'était pas encore très, très digne de la dignité de la femme. C'est une femme qui va libérer sa ville. C'est pas la première fois dans la vie de David qu'on voit des femmes qui l'aident beaucoup. Vous vous souvenez d'Abigail qui avait épargné la colère de David à son mari qui avait mal reçu David. Il y avait la femme de Tekoa aussi dont on a parlé, qui avait fait preuve d'une grande sagesse en incitant David à pardonner son fils Absalom ou à le laisser revenir. Et là, cette femme dont on n'a pas le nom, mais qui, toute seule, évite une grande catastrophe. Et ça doit être un encouragement pour les femmes, mais aussi pour tous, pour les hommes aussi, de savoir qu'une seule personne peut faire une grande différence dans la vie de la cité, dans la vie de ceux qui nous entourent. Et des fois, on a l'impression qu'on peut rien contre le mal ambiant, contre l'incroyance, contre l'incrédulité, contre les inégalités, contre l'injustice. Ça doit être un encouragement, cette histoire, à nous dire que si le Seigneur vous parle, vous met quelque chose à cœur, prenez ce fardeau et allez-y. D'abord toute seule, tout seul peut-être, mais une seule personne peut faire une différence incroyable. C'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes, c'est même valable pour les enfants. Il y a un auteur américain chrétien, Charles Colson, qui a écrit un livre sur des initiatives de personnes qui ont fait une grande différence. Et il parle en particulier d'un jeune enfant, un petit garçon qui devait avoir 8 ou 9 ans, et qui demandait à son papa, « Papa, pourquoi ces hommes-là dorment sous les ponts ? Pourquoi ils n'ont pas une maison ?» Est-ce que vous vous demandez encore pourquoi il y a des gens qui vivent sous le pont de la SNCF, là ? Qui vivent dans des cartons, qui vivent dans l'urine, dans la bière, en mendiant ? Ou est-ce que vous êtes tellement habitué à les voir que vous dites, mais c'est roumain, on n'aurait pas dû le laisser ouvrir les frontières du marché commun ? C'est toute la racaille qui vient ? Quel est votre sentiment ? Ou êtes-vous si blasé que... Et je dois confesser que moi aussi, je suis un peu blasé. Je me dis, on peut les aider, mais si on les amène à l'église, ça veut dire que tous les dimanches, il y aura des gens qui ne sentent pas très bon, avec des chiens, des puces, qui viendront. Mais est-ce que votre cœur est touché ? Le cœur de ce petit garçon avait été touché. Il a dit, mais papa, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces gens qui vivent, ces SDF, qui vivent dans le froid, dans la misère? Et il a réfléchi, son papa et lui ont réfléchi, ils ont décidé qu'en fait, ils pouvaient peut-être leur donner des couvertures. Alors au début, ils ont pris des vieilles couvertures qu'ils avaient chez eux, puis après, ils en ont parlé autour d'eux, ils ont pu faire des collectes, acheter des couvertures. Et maintenant, c'est devenu un ministère qui aide, justement, un ministère de compassion qui touche et qui soulage la souffrance de beaucoup d'hommes et de femmes. Peut-être que le Seigneur vous parle aussi de cette façon. Je sais que parmi nous, il y a quelqu'un qui a à cœur de faire des visites dans les hôpitaux. Ça commence par une personne. Et puis ça suscite de l'écho. Une autre personne veut reprendre des liens plus formels avec Portes Ouvertes, qui veut encourager les chrétiens persécutés. Ça, c'est une personne à qui Dieu parle, qui prie pour voir comment avancer, qui en parle autour d'elle et qui fait une différence. Cette histoire de la dame d'Abel-Meth Maka, ça doit être un encouragement pour chacun de nous que tout seul, on peut faire une différence. Amen. Il y a une famine qui suit au chapitre 21. Il y a une famine qui se répète, qui dure 3 années. Et on voit que David était sensible au Seigneur parce qu'il rechercha la présence de l'Éternel. Il voulait savoir la cause de cette famine. Alors c'est vrai qu'une année de famine, on dit, ça c'est le Gulf Stream qui a bougé et qui fait qu'il n'y a pas eu de pluie et il y a une sécheresse. Mais il y a une deuxième année, là encore on peut se demander, puis une troisième année, et là David se dit, parce qu'il est sensible, spirituellement, il se dit peut-être que Dieu veut nous parler à travers ça. Et là aussi, on peut, dans nos vies, on peut se plaindre de nos circonstances, on peut rouspéter. Et Nancy pourrait vous dire que souvent je rouspète sur mes circonstances. Mais quand je rouspète sur mes circonstances, je rouspète contre celui qui contrôle mes circonstances. Au lieu de lui demander « qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ces circonstances, ces événements qui arrivent dans ma vie ?» Et là, il se trouve qu'il y a une raison spirituelle, surprenante, mais qui est là, verset 1, la deuxième partie. « C'est à cause, l'Éternel répondit à David, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous connaissez les Gabaonites, c'était une tribu de Canaan qui avait trompé Josué lorsqu'il avait conquis la terre promise. Il avait reçu l'ordre de Dieu de faire disparaître les précédents occupants, les Cananéens, parce que c'était des gens, en fait ça peut paraître sanguinaire, mais c'était des gens qui étaient tombés très bas qui était très dépravé, et l'archéologie aujourd'hui nous montre qu'il faisait des sacrifices d'enfants par superstition. Et donc Dieu avait décidé de les juger par Josué, mais les Gabaonites, les habitants de Gibéon, avaient décidé de tromper le Josué en se faisant passer pour des gens venus de loin. Ils ne s'étaient pas lavés pendant plusieurs semaines. Ils avaient mis des vieilles chaussures qu'ils avaient trouvées dans leur grenier ou dans leur poubelle. Ils avaient pris du pain moisi. Et ils étaient venus voir Josué en lui disant, ça c'est dans Josué 9 que vous pouvez lire cette histoire, il lui avait dit qu'en fait, il venait de très loin. Et donc, Josué, sans consulter Dieu, sans prier, avait accepté de faire un traité avec eux. Ça voulait dire qu'ils ne pouvaient plus être attaqués par Israël, par le peuple juif. Ils avaient traité une alliance, ils avaient signé une alliance avec Israël et Israël était pris au piège. Josué, le général qui avait suivi Moïse à la tête des enfants d'Israël, avait simplement relégué ces Gabaonites à aider au sacrifice dans le tabernacle en étant ceux qui allaient chercher de l'eau et du petit bois. Mais apparemment, le roi Saül n'avait pas respecté l'engagement que Israël avait pris par Josué de ne pas lever la main sur ses Gabaonites. Et donc, Dieu rappelle à David, mais il nous rappelle aussi que nos engagements nous engagent. C'est tout bête, mais trop souvent, on a le sentiment que nos engagements ne nous engagent que pendant un moment très court, ou que si les circonstances sont favorables pour qu'on réponde à ça. Mais là, il y avait vraiment une raison spirituelle qui était que le peuple d'Israël, le peuple dont David était le roi, avait trahi un engagement devant Dieu de bien traiter cette tribu des Gabaonites. Verset 2, le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment, voir Josué 9, 3 à 27. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. Saül avait fait une mauvaise action avec un bon motif. Être zélé pour les fils d'Israël et de Juda, c'est pas mauvais, mais c'est pas le tout d'avoir de bons sentiments. Les actions que nous commettons doivent être plaisantes à Dieu. On dit en français populaire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est une façon imagée de dire que c'est pas seulement les intentions qui comptent, c'est ce qu'on utilise pour dans les rues de l'enfer. Alors ça, c'est pas biblique, hein, n'allez pas imaginer que Pierre enseigne ça. C'est une expression pour dire les bonnes intentions, on s'en moque. Ce qui compte, c'est les actions. Alors c'est mieux de faire une bonne action. Il y a aussi le cas où on peut faire une bonne action pour la mauvaise raison. On peut donner de l'argent à quelqu'un pour se donner bonne conscience, ou pour impressionner les personnes qui sont avec nous. Ça, c'est faire une bonne action pour de mauvaises raisons. Mais là, David va devoir réparer cette situation, et il dit aux Gabaonites, verset 3, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation ? Comment est-ce que je réparerai cette faute ? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel, qu'est-ce que je dois faire pour que la sécheresse stoppe ?» Et les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est point pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa famille, et ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un d'Israël. Le roi dit, ce que vous direz, je le ferai pour vous. » Donc c'était des Cananéens, des gens pas très spirituels, mais ils ne veulent pas d'argent ou d'or. David devait être surpris. Et ils ne veulent pas faire la guerre à tout Israël. Alors David leur dit, « Bon ben, dites-moi ce que vous voulez et je m'engage à le faire. » Verset 5, ils répondirent au roi, puisque cet homme, parlant de Saül, a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître devant tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous exposerons leurs corps devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi dit, je les livrerai. Il leur dit, ils lui disent, on voudrait faire mourir 7 des hommes des descendants de Saül, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous exposerons leur corps après qu'ils soient morts. Et le roi qui s'était engagé dit, je les livrerai. Verset 7, le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment devant l'Éternel qu'avaient fait entre eux David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ritzpa, fille d'Aïa, avait enfanté, que Rizpa Fidaya avait enfanté à Saül, Harmoni et Béphi-Bochette, et les cinq fils que Michaël, la fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai. Il les livra entre les mains des Gabaonites qui exposèrent leur corps sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble, ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rizpa, fille d'Aïa, prit le sac et l'étendit sous elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. On rapporta à David ce qu'avait fait Rizpa, fille d'Aïa, concubine de Saül. Alors David alla prendre les os de Saül et les os de son fils Jonathan chez les habitants de Yabesh en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient pendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Ça, on a vu toutes ces histoires dans l'histoire de 1 et 2 Samuel. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux dont le corps avait été exposé. On ensevelit les os de Saül et de son fils Jonathan dans le pays de Benjamin à Tsela, dans la tombe de Kish, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé en faire le pays. Et sous-entendu, la famine cessa, la sécheresse cessa, et Dieu fut apaisé envers le pays. Un épisode surprenant, où, d'après les préceptes de l'Ancien Testament, du Livre des Nombres, le sang appelle le sang. Aujourd'hui, on pense que c'est un grand progrès qu'il n'y ait plus de peine de mort. Et c'est vrai que ce qui est terrible dans la peine de mort, c'est qu'elle est irréversible. Et le plus grand danger, c'est qu'une fois qu'on a tué quelqu'un, c'est qu'on s'aperçoive qu'on a fait une erreur judiciaire. Et en cela, la peine de mort n'est pas facile à accepter. Mais d'un point de vue divin, d'un point de vue biblique, le sang appelle le sang. Alors on voit des familles, dans le cas de récemment, dans les nouvelles, de cet homme, je ne sais plus son prénom, Fourniret, qui a violé, qui a tué des jeunes filles, je ne sais plus combien, 7 au moins, et on voit la souffrance des parents, qui voit cet homme continuer des fois, qui peut continuer ses méfaits, bénéficier d'une grâce ou d'une libération anticipée. On voit la souffrance de ses parents qui doivent se contenter de savoir que cet homme va peut-être finir ses jours en prison. Alors on dit que c'est une peine de prison incompressible, mais il semble que ça c'est pour, sur le moment, pour apaiser la douleur des familles, mais qu'après, pour continue à donner de l'espoir à celui qui est en prison, il y a toujours cette tentation de lui dire que s'il se conduit bien, on pourra être plus doux avec lui. Et c'est vrai que c'est un sujet très délicat, mais c'est un... De la même façon que Dieu demandait la mort des Cananéens parce qu'ils étaient arrivés trop loin, la peine de mort n'est pas quelque chose qui est interdite par la Bible. Et là, on voit que on arrive dans notre système judiciaire où les meurtriers sont mieux défendus que les victimes. Souvent, les victimes doivent rester toute leur vie avec une vie brisée, avec des blessures que le temps n'arrive pas à cicatriser. Et par contre, les ténors du barreau se mettent tous leurs talents au service des meurtriers et des criminels. Alors je sais que c'est un sujet délicat et on voit simplement ici que par suite à un engagement passé qui a été pris il y a 30 ans, des descendants, alors on dit mais c'était des gens injustes, c'était injuste parce que ces gens étaient sans doute innocents. En fait, au verset 1, il était dit que c'était une famille sanguinaire. On ne sait pas si ces gens n'avaient pas commis aussi des méfaits. Et là, on voit ces sept personnes qui sont livrées à la vindicte des Gabaonites qui les mettent à mort et qui laissent leur corps pourrir sur une colline. Et là, l'épisode de cette femme Ritzpa, dont on a entendu déjà parler, Ishbosheth avait déclaré qu'elle était la maîtresse d'Abner, ça avait mis Abner en colère, ou Abishai. Elle est là pour veiller sur deux de ses enfants. David a préservé le fils de Jonathan qui s'appelait Mephibosheth, mais apparemment il y avait un autre qui portait ce nom parce qu'il est dans la liste de ceux qui vont être mis à mort par les Gabaonites au verset 8. Et David va chercher ses enfants et va les mettre avec les restes du roi Jonathan et Saül qui avaient été mis à Yabesh après avoir été à Beth-Shan, un endroit que Nancy et moi avons pu voir en février. On voit encore l'endroit où sans doute David et son fils ont été suspendus, morts. On voit encore les murailles de... Donc toutes ces histoires, encore une fois, toutes ces précisions historiques, tous ces détails, tous ces noms, c'est un peu compliqué, mais c'est un signe de la véracité du détail historique. Et là, encore une fois, ce passage nous montre que Dieu s'attend à ce que nous respections nos promesses. Dieu s'attend même à ce que des nations respectent leurs promesses. Le temps ne fait pas que nos promesses sont moins fortes que lorsqu'on les a déclarées au départ. Et un autre point, c'est que la correction de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous rasséréner, nous faire prendre conscience de la gravité de nos péchés. C'est que la correction de Dieu, elle prend du temps. Là, c'était 30 ans après que Saül avait commis ces meurtres contre les Gabaonites, qu'il faut la perspicacité spirituelle de David pour s'apercevoir que ces sécheresses qui se suivent ne sont pas le fait de El Niño ou du hasard. En fait, El Niño, ça désigne justement le fils de Dieu. Lorsque les scientifiques l'utilisent, c'est plus une variation aléatoire de courant d'air chaud et d'eau chaude dans l'océan. Les engagements que nous prenons nous engagent. Est-ce que nous sommes des gens de parole? Lorsque nous disons que nous venons, lorsque nous disons que nous serons là, lorsque nous disons que nous serons là à 9h, est-ce que nous sommes là à 9h30 ou 9h10 ou 9h? Le mieux, ce serait d'être là à 8h30. Mais dans notre société, l'engagement, on a trop tendance, et même parmi les chrétiens, et moi-même souvent, mes engagements, je les prends à la légère. David va voir les derniers versets nous parlent de combat contre quatre frères de Goliath. Vous vous souvenez que David, lorsqu'il avait été combattre le géant Goliath, il avait pris 5 pierres. Si vous retournez au texte, vous allez voir qu'il avait pris 5 pierres. Et on se dit, bon, bah, il en avait pris 5, au cas où il aurait manqué avec la première, il avait encore 4 possibilités. Non, c'est probablement parce qu'il savait que Goliath avait 4 frères, ou 4, c'était les enfants de Rapha. Il y avait Yishbi Benod, verset 16, il y avait Tsaf, verset 18, il y avait Goliath, le frère de Goliath, verset 19. Et puis, il y avait un homme qui avait 6 doigts, et 6 doigts de pied et 6 doigts à la main, à chaque main. Et on ne connaît pas son nom, mais on sait que c'était un homme avec cette anomalie physique. Et en fait, David n'est pas en mesure de battre, parce qu'il est âgé maintenant, mais il a suscité des vaillants guerriers qui, eux, vont mettre ces hommes à mort. Ces quatre hommes, verset 22, ces quatre hommes étaient issus de Rapha à Gath, ils tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. David, s'il n'avait plus la force, il avait encore la force d'être un exemple. David, on a vu aussi qu'il avait un, verset 26 du dernier chapitre, qu'il avait un prêtre, Ira de Yaïr, c'était comme un espèce de chapelain, quelqu'un avec qui il pouvait partager sa vie intime, spirituelle. Et je crois que c'est quelque chose d'important d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez partager où vous en êtes avec le Seigneur. Honnêtement, de dire vos combats, vos difficultés. Si David avait besoin de le faire, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui a écrit tous ces merveilleux psaumes, qui a pris la discipline de Dieu sans se rebeller contre Dieu, à combien plus forte raison nous en avons besoin nous aussi. Nous allons nous arrêter ici. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons un cantique de David qui ressemble beaucoup au psaume 18, vous le verrez. Et c'est intéressant que dans le récit historique, on ait un peu le goût de ce grand poète, de ce berger roi qu'était David.